Yes, dans Saucisse et Cocktail, Colosse vient d'arriver avec notre transsexuel. On va se linker sur réseau, sur Radio X, voir comment ça va se passer. Colosse avance, le transsexuel ouvre la porte. Yes, c'est parti. Non, non, non, ah, tabarnouche. Non, yes, non, ça c'est la joke à marteau. Yes, ah, non, non, non, non, non, ça va être correct. Non, ouais, gars. Vince, déguisé en fille. Ça va être correct, mon homme. S'assoit sur... C'est vraiment fin. Sur Stéphane. Décolle, OK? Merci beaucoup, les gars, vous êtes vraiment drôles. Monsieur Gaz. OK. C'est ça la joke. Merci, hein? Merci. C'est vraiment monsieur ou madame? C'est une sorte de parfum. C'est son parfum, ça, Jérôme? Non, c'est pas moi qui sens ça, non? Ah, sacrement. Martin, mon nasty. C'est quoi cette bébé-là? Je peux pas te le dire. C'est pour ça que le gars, le grand qui travaille au vent. Aïe, non, non. Ah, wow. Si quelqu'un nous dit ou c'est quelqu'un qu'on connaît pas du tout, là? Ah, table. Elle est bon. Ah, ah ouais, il y a une petite odeur. Il y a un grave malade. Mais t'as-tu montré tous ses attributs? Bah, non, je veux pas rien savoir. Ah, wow, le transsexuel est rentré. Comme un sauvage. Ici, c'est mis à danser sur Monsieur Gaz. Elle a touché. Monsieur Gaz, c'est là qu'il est devenu très agressif. Swipey, t'as-tu des bonnes photos? Mais Chris, ça s'est fait tellement vite. Là. J'en ai deux. Là. Je pense qu'ils vont peut-être faire la job. Là. Mais c'est pas super concluant. Mais calique, c'est drôle cette affaire-là. Comment qu'il a vécu ça, Monsieur Gaz? Les perruques noires, frisées, les boudins. J'ai pas regardé, je me suis tassé. C'est dégueulasse. Des boutons partout à la grandeur des bras. C'est vraiment un beau spécimen. Vince, t'as ouvert la porte à ça. Mais t'as pas sortir. Chris, plaque. Ça, quand tu vois ça arriver, tu plaques, là, OK? Rappelle-toi tes années de football. C'est pas y toucher. Oh, la photo ici, M. Gaz a vraiment la main sur l'as. Oui. C'est compromettant. Je plongerai là-bas d'un coup de feu pour toi, Calvin. Je surveillais, là. Ça s'était gâté, je te laisse ouvrir. C'était déjà grave. Voulu se frotter après Stéphane. Écoute, dans le même code postal que moi, c'est grave. Faut que tu t'inquiètes. Wow. Notre chose est arrivée. C'est dandiné. Monsieur Gaz est venu en état agressif. Oui. Il refoulait de l'amour, lui-là. Poigné à l'épaule. Non, j'ai pas regardé. Je suis tourné. Ta gueule, Gaz, tu l'as touché. On a des photos. Tu l'as touché. Je sais plus. Il n'a pas rien qu'un, là. Il avait à peu près une centaine. Marteau, il est fier de son coup, lui-là. Il était vraiment dégueulasse. Je pense. Il a baigné pour ça. C'est la guerre, là. Ça veut dire que c'est la guerre. Et on a pris soin de prendre des photos du côté de Radio X2. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Évidemment, j'espère que ça devient le bout où je le repousse. Non, tu l'as repoussé, tu l'as tenté. Il l'a tenté, on a sa photo. On a ça, c'est concret. Là. On a des preuves que M. Gaz a eu un plaisir coupable. Il est parti vite, j'ai pas de photo avec notre Gmail ou de stock. Ouais, mais je suis pas sûr que tu en voulais vraiment. Oh. Ouais, c'était vraiment pas beau. Là. Non, hey, non. Je te pitcherai en bas prendre des photos, peut-être Colosse avec le Chimay. Je pense que c'est trop tard, mais. Oui, fonce. Ben, Colosse, c'est pas remonté encore. Ouais, il doit être en train de dealer de quoi en bas? Peut-être un petit bonus. Peut-être que Colosse est en train de dealer. Aussi, peut-être. On va prendre des photos. Vas-y, so happy. Wow, sur la 1. Allô, saucisse. Salut, Marteau. Salut, man. Mais qu'est-ce qu'il a fait, M. Gaz, pour mériter ça? Il est dans ma face à tous les après-midi parce que les deux studios sont collés un sur l'autre. Puis je veux qu'il se souvienne de mon nom pour l'éternité. Il va se rappeler que c'est Marteau qui a fait découvrir une petite gâterie. C'est bien trop fou. Salut, Ben. Salut. Allô, saucisse. Sacrement, il est rendu sa fille ou quoi? Il dit qu'il la repousse, mais il aimait ça. Il l'a tâté, on l'a bien vu. Il essayait d'insérer sa main au complet. J'espère que vous allez mettre ça sur Internet. On va mettre ça sur le net, puis on va scraper sa vie. Il n'y a pas de trouble, mon ami. Salut, man. Salut, mon coq. Yes. On va plugger le réseau, voir ce qui se passe du côté du master de M. Gaz. Il est devenu froid tout d'un coup aussi. J'ai refait du vite. Wow. Parce qu'au début... Il a refroidi, donc il était chaud. Ça l'a allumé quand l'autre l'a touché. Colosse, installe-toi, man. Aïe, aïe. Wow. As-tu vu les photos que Swappy a pris? Hey. Monsieur Gaz, il dit qu'il a repoussé la transsexuelle, mais dans le fond, il voulait l'insérer. Je pense que oui. Hein? J'ai bien vu ça. Ça replogue réseau. J'ai pas le carré. Oh, la prochaine shot, tu me rends ça dans le mur, OK? Dès que tu vois quelque chose de même dans le même code postal que moi, là, tu plantes ça dans le mur. C'est quoi? C'est il était vraiment 5 pieds 10. Oh, oui, oui. Il était vraiment gros. Bon, OK. Tout ça, il y avait des marques là, son ah, bras. Oui, non, là, je sais pas, il y a des boutons partout, man. C'était pas beau. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Beau gros transsexuel. Y avait-tu des boobs après non, ça? Y avait, non, il n'y avait pas de boobs, non. Non, non, hein, c'était aplate. Et puis la jupe de cuir noire, là, puis... Cuirette, hein, c'est de la cuirette. Tu regarderas la photo que Soapy a. M. Gaz a vraiment la main dans le derrière de la chose, du transsexuel. Hey, mais il était plus que 5 et 10. C'était quasiment 6 pieds. Il puait. Il y avait... beaucoup trop de cuir après ça. Monsieur Gauss a vraiment eu peur. La perruque bouclée noire, là. Oh. Oh, puis après, ben, il s'est mis à aimer ça un peu, puis a essayé de l'insérer. On le voit sur la photo. On va mettre ça en ligne. Oui, oui, oui. Dès ce soir. Allô, saucisse. Hey, Gauss avait la saucisse, le tail et le coq enflé. Oui, oui, oui. Yeah. Non, non. Non, ça l'excitait un peu, ça, là. C'est sûr qu'il vous le dira pas, tu sais, humblement, puis avec respect. Mais moi, dans ses yeux, j'ai jamais lâché M. Gauss dans les yeux. Ben, ça brillait, hein? Oui, exactement. Les petites étoiles, ça dément jamais, mon salaud. 670-1009 pour nous rejoindre live à radiox2.com. On va faire du ménage d'un photo que Soapy a pris de notre chose. Faut y donner un nom à notre nouvelle mascotte. Madame Élastique, non. Non. La chose, c'est vraiment... La chose, je pense que c'est la chose. C'est vraiment la chose. 670-1009 pour nous rejoindre dans saucisse et coq. Je viens de penser à ça. Moi, j'y serre à la main. Je vais me laver les mains. No way que je touche à ça. Mais tu sais, moi, je voulais être poli. Salut, c'est colosse. Oups. La morale de tout ça, c'est que les transsexuels sont très safe. On peut leur faire confiance, puis ils sont à l'heure. Et voilà.